9-13, activation orale, attribution. À la, al, au, au. Transformé selon l'exemple. Vous entendez. 1. Les jeunes gens n'ont pas de famille. Et vous dites. Donnons une famille aux jeunes gens. Eh bien, allons-y. 2. La jeune fille n'a pas de prénom. Donnons un prénom à la jeune fille. 3. Le jeune homme n'a pas de prénom. Donnons un prénom au jeune homme. 4. L'ami brésilien de Robert n'a pas de prénom. Donnons un prénom à l'ami brésilien de Robert. 5. Les jeunes gens n'ont pas d'amis. Donnons des amis aux jeunes gens. 6. Le père de Mireille n'a pas de profession. Donnons une profession au père de Mireille. 7. La mère de Mireille n'a pas de profession. Donnons une profession à la mère de Mireille. 8. Et la tante Georgette n'a pas de mari. Donnons un mari à la tante Georgette. 9. L'oncle Guillaume n'a pas d'enfant. Donnons des enfants à l'oncle Guillaume. 10. Les enfants n'ont pas de cadeaux. Donnons des cadeaux aux enfants.